Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Claudine Valran, alias Maman Fonfon, pionnière de l'éducation de la petite enfance. Mes enfants, à moi, ils me disaient que vous étiez une meilleure maman pour eux autres que moi. Parce que vous, ils vous avaient pas longtemps. Vous leur faisiez faire des choses agréables, jamais de choses désagréables. Il n'y avait jamais de punition si ce n'était pas réussi. Forcément. C'est-à-dire, les mamans avaient une sérieuse compétition à la maison avec terrible, vous. Terrible, terrible. Parce que j'étais le mythe de la mère parfaite. Et pour les enfants, je ne pouvais pas être menaçante. Parce que, comme ils disaient, elle ne peut pas sortir de la télévision. Claudine Valran, à l'émission de Lise Payette, Appelez-moi Lise, en 1974, c'est son personnage de Maman Fonfon à la télévision qui va rendre célèbre Claudine Valran, pionnière de la télé éducative chez nous. Claudine Valran est aussi, et peut-être d'abord et avant tout, une pionnière de l'éducation de la petite enfance. Dès la fin des années 30, elle propose une vision totalement avant-gardiste pour l'époque de la manière d'éduquer nos enfants. Claudine Valran, de son surnom Maman Fonfon, faisait partie des foyers québécois des années 50, où les enfants ont grandi avec ces personnages. Tous les samedis, pendant une heure, elle captivait les tout-petits avec ses personnages en peluche, en feutrine. Elle a créé tout un monde autour d'elle qui fascinait autant les petits que les grands. Il faut donner une chance à papa, il vient d'arriver. Hein? Donne-lui une chance, parle-lui un peu à maman, toi tu l'as eu toute la journée. Et quand papa et maman ont quelque chose d'important à se dire, alors Fonfon et Fonfonette, ils se taisent. Sa devise, éduquer. Selon elle, les problèmes des enfants naissaient souvent de l'ignorance des parents. C'était la première émission télévisée pour enfants en 1955. Pendant 7 ans, celle qui s'est toujours intéressée à la psychologie enfantine anime son émission avec succès. Elle cumule les prix et reçoit près de 4000 lettres par semaine. Son amour pour les enfants a été indéniable et c'est un bien précieux héritage qu'elle aura légué. Azeb Oudleguerguis, Radio-Canada, Montréal. Extrait de l'émission L'heure du midi, diffusée à RDI le 18 septembre 2001, quelques jours après le décès de Claudine Valran, animatrice de cette célèbre émission Fonfon, qui a été diffusée dans les années 50 et 60 à la télé de Radio-Canada, pour nous parler de l'importance qu'a eue Claudine Valran dans la manière d'éduquer nos enfants, pour nous décrire aussi sa vision, la vision qu'elle avait de l'éducation de la petite enfance. Je reçois Denise Baillargeon, qui est professeure émérite au département d'histoire de l'Université de Montréal, spécialiste de l'histoire des femmes. Denise Baillargeon, bonjour. Bonjour. Alors, quel poids, quelle importance elle a eu Claudine Valran dans la manière dont a évolué notre manière d'éduquer nos enfants, Denise Baillargeon? Je pense qu'elle a eu un poids, une importance tout à fait majeure. Malheureusement, on l'a trop oubliée, cette femme. On se rappelle de Maman Fonfon, du personnage, mais beaucoup moins de ce qu'il y avait derrière et de ses autres réalisations aussi. Oui, et bien c'est beaucoup plus... Donc, effectivement, il y a ce personnage qu'elle va porter à la télé, oui. Mais il y a surtout une vision. C'est beaucoup plus que ça, le bilan et l'héritage de cette femme-là. Totalement, oui. C'est une nouvelle vision en matière d'éducation des enfants qu'elle va tenter de diffuser au Québec à partir des années 30. Donc, on peut voir Maman Fonfon comme étant une contemporaine du Dr Spock aux États-Unis, hein, qui, vers la même époque, a essayé lui aussi de diffuser une autre façon d'éduquer les enfants. Donc, très avant-gardiste pour son temps. Comment elle en vient, cette femme-là, qui est une autodidacte, il faut le dire, comment elle en vient à développer cette vision, à s'intéresser à l'éducation de la petite enfance? En fait, dans une entrevue qu'elle a donnée en 1982, elle disait que la pédagogie l'avait toujours intéressée. Si on regarde un peu sa vie, on se rend compte d'abord qu'elle est allée au couvent, parce que, bon, elle vient d'une famille assez aisée, et comme les enfants de la bourgeoisie de l'époque, elle a fait ses études au pensionnat, donc dans un couvent, et elle détestait ça, disait-elle. Je pense que ça, c'est une expérience qui l'a probablement marquée. Pour elle, les enfants doivent vivre avec leurs parents et pas dans de grandes institutions. Et puis par la suite, dans les années 20, elle a fait un voyage en Europe avec sa mère. Et là, elle a visité des maternelles en Italie et en France. Et en Italie, elle est allée entre autres dans des maternelles Montessori. Elle a été très impressionnée par ce système d'éducation, par l'approche éducative de ces maternelles. Elle a cumulé de la documentation là-dessus. Elle a continué de s'informer en revenant au Canada. Et quand elle a eu ses propres enfants, je pense que là, c'était un peu le déclencheur. Elle a décidé, au fond, de passer à l'action. Oui. Son petit laboratoire, elle l'avait à la maison, puis elle va décider, avec ce qu'elle a vu à ses écoles Montessori en Europe, d'essayer de développer ça à sa manière, à son échelle, avec l'ouverture, en 1938, d'une première maternelle privée, une des premières au Québec. Pourquoi est-ce qu'elle décide de se lancer dans cette aventure-là? Alors, je pense que, de son point de vue, le système scolaire québécois de l'époque était très déficient en ce qui concerne la petite enfance. Il y avait d'ailleurs à peu près pas de maternelle public. Et pour elle, la maternelle, c'était la base de l'éducation de tous les enfants. C'était ce qui allait permettre ensuite aux enfants d'apprendre à l'école. Mais il fallait d'abord les amener à apprendre. Et c'est ça qu'elle voulait faire en mettant sur pied une maternelle. Pour elle, le fait de mettre sur pied une maternelle, c'était une façon aussi de créer une espèce de vitrine. C'était comme un banc d'essai, une manière d'en arriver à convaincre les autorités publiques de mettre en place un système de maternelle universel partout au Québec. Et en fait, il y a sa vision, la vision qu'elle a de l'éducation, de l'apprentissage des enfants, mais cette préoccupation vraiment de la petite enfance. Pour elle, ce passage-là, la maternelle, cette étape-là dans la vie d'un enfant, c'est important pour elle. C'est primordial parce que pour elle, c'est vraiment comme cruel de prendre un enfant de sa famille et de le placer tout de suite à l'école où il est enrégimenté, où il doit s'asseoir toute la journée derrière un pupitre, où il doit obéir aux consignes. Il faut que l'enfant apprenne à apprendre, apprenne à obéir aussi aux consignes. Et c'est à la maternelle que ça peut se faire. Et à la maternelle, l'enfant, on peut l'éveiller à toutes sortes de réalités avec lesquelles il n'est peut-être pas familier. Donc, la maternelle va servir à ça, à développer son intelligence, à apprendre à l'enfant à fonctionner dans une petite société qu'est l'école, finalement. Ouais. Et quand elle ouvre, en 1938, une première maternelle, qu'est-ce qui existe autrement au Québec? Comme je le disais tout à l'heure, il existe à peu près rien, en fait. Il y a eu, dans l'histoire de la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, par exemple, il y a eu quelques tentatives de créer des maternelles au début du 20e siècle, mais c'était surtout pensé pour les familles défavorisées. Et c'était surtout pensé comme une façon d'inculquer aux enfants de ces milieux pauvres des valeurs qui appartenaient plus aux classes moyennes, finalement. Et c'était pas pensé en fonction de faire apprendre aux enfants par le jeu. C'était une façon de leur inculquer de manière précoce les rudiments de l'alphabet, les rudiments des mathématiques. Mm-hmm. Donc, on n'était pas du tout guidé par une philosophie par le jeu pour les quelques maternelles là, qui existaient. Et la même chose dans les quelques maternelles privées qui pouvaient exister, ce n'était pas cette philosophie qui était appliquée non plus. Donc, de ce point de vue-là, la maternelle Valran était vraiment une maternelle avant-gardiste et assez unique. Elle, en 1939, elle décide d'aller plus loin encore. La maternelle Valran existe déjà. Elle fonde avec son mari l'École des parents. Simone Monet-Chartrand va être de cette aventure de l'École des parents. On l'écoute en parler à l'émission Au jour le jour, animée par Dominique Lajeunesse en 1988. Moi, j'aime étudier toujours. Je retourne aux études toujours. Et je me disais, c'est pas parce que j'ai mis un enfant au monde que je comprends ce que c'est que la puériculture, que la psychologie de la petite enfance. Je te fais unique. 11 ans de pensionnat, vous apprenez rien sur les enfants. Non. Alors, c'est pas parce qu'on met un enfant au monde qu'on devient pédagogue. Oui. Alors, Mme Claudine Valran, qui est devenue maman Fonfon par la suite à la télévision, a fondé une école des parents et nous donnions des cours à tous les mois. Je suivais des cours et je cherchais les conférenciers. Les conférenciers, c'était tous des jeunes psychologues ou pédagogues qui sortaient de l'université. Alors... Donc, ça satisfaisait un peu votre curiosité naturelle. Moi, j'ai toujours eu des actions en groupe, avec des groupes, mais qui partaient d'un besoin ou d'un désir très profond. À ce moment-là, vous aviez combien d'enfants? Vous en avez eu 7 Je me suis inscrite à l'École des parents. J'étais enceinte du deuxième enfant. J'étais sur l'exécutif. Après ça, on a fondé une section à Longueuil. Mais ça ne vous a pas empêché d'être toujours aussi curieuse? Je suivais des cours parce que ça, je le dois à Michel. Parce qu'il trouvait que j'avais droit à continuer à me cultiver et à exercer une fonction sociale. Alors, quand elle ouvre cette école des parents, qui va se développer beaucoup, on va y venir dans les minutes qui viennent, Denise Baillargeon, cette école-là vraiment va avoir un rayonnement public important. Mais au départ, quel objectif elle a en tête, Claudine Valland, quand elle fonde l'école des parents en 1939? Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut former une école mutuelle d'éducateurs, composée de pères et de mères désireux d'assurer leurs responsabilités familiales, sociales et nationales et décidés à s'éclairer mutuellement. Alors, c'est un groupe qu'elle veut fonder qui va s'entraider. C'est un groupe d'entraide, finalement, qu'elle veut fonder, un peu sur le modèle des autres groupes de l'Action catholique du temps. Alors ça, c'est son premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de propager des modèles éducatifs novateurs qui sont effectivement fondés sur les découvertes les plus récentes de la psychologie. Et dans son esprit, en fait, ce qu'elle cherche à faire avec ça, c'est de briser, ce qu'elle dit, le cercle vicieux des parents incompétents, enfants médiocres, parents incompétents. Alors, pour elle, des enfants mal éduqués finissent par devenir des adultes avec des lacunes qui sont à leur tour incapables d'élever correctement leurs enfants. Et c'est ça qu'elle veut, c'est à ça qu'elle veut mettre un terme. Donc, c'est une démarche globale. On veut changer la manière dont on éduque nos enfants, aller vers des méthodes plus modernes et avant-gardistes. Et pour y arriver vraiment, on a besoin des parents. Et la clé avec l'école des parents, c'est de faire des parents de meilleurs éducateurs eux-mêmes. Voilà, tout à fait. Alors, les parents doivent s'informer, se renseigner, s'entraider en assistant, comme le mentionnait Simone Monnet-Chartrand, à des conférences, en se tenant informé sur ce qui doit être fait, comment on doit bien éduquer des enfants. Et cette idée-là va séduire Simone Monnet-Chartrand, qu'on vient d'entendre, mais en fait, l'école des parents va susciter assez vite l'adhésion, l'intérêt d'une partie importante de l'élite intellectuelle du Québec. Oui, tout à fait. Alors, on retrouve parmi les membres de l'école des parents, parmi les membres les plus éminents, des figures connues du mouvement d'Action catholique en général. Alors, Michel Chartrand et Simone Monnet-Chartrand. On retrouve aussi, par exemple, Réginald Boisvert. On retrouve également André Laurendeau, Germaine et Gérard Parizeau, les parents de Jacques Parizeau. On retrouve aussi Guy et Jeannette Boulizon, qui avaient fondé le collège Stanislas, le collège français. On retrouve aussi Thérèse Gouin-Descaries, qui est une pionnière de la psychologie au Québec. Et on retrouve aussi quelques religieux, comme l'abbé Irénée Lucier, qui est l'aumônier de l'École des parents. Il était le directeur spirituel de Claudine Valrand. Et le père Noël Mailloux, tous deux aussi formés en psychologie. Oui. Donc, on est en 39, hein, il faut le rappeler. C'est vraiment des gens, ce petit groupe que vous venez de décrire, dont vous venez de nous parler, c'est l'élite intellectuelle du Québec. Oui. C'est les précurseurs, au fond, on est en 39, je le rappelle, de la Révolution tranquille. Les modernistes, ils sont là. Oui, tout à fait. Ouais. Ce sont ces gens-là qui vont faire la Révolution tranquille, effectivement, quelques décennies plus tard. Simone Monnet-Chartrand décrivait dans l'extrait qu'on vient d'entendre elle parlait des conférences. En fait, il y aura beaucoup de conférences organisées par l'École des parents avec des spécialistes, pédagogues, orthopédagogues et autres. L'un des canaux que va utiliser également l'École des parents, c'est la radio. Et il y aura une émission qui aura un assez fort impact. On écoute un extrait justement de cette émission, le courrier de Radio Parents. Radio-Canada présente, en collaboration avec l'École des parents du Québec, le courrier de Radio Parents. À cette tribune sont lues les lettres des parents qui soumettent leurs problèmes d'éducation. Nous passons le micro à Mme Maillot. Bonjour, chers parents. Notre première lettre signée « Maman qui veut bien faire ». J'ai trois petites filles. L'aînée aura 6 ans en mai et commencera donc ses classes en septembre. Le couvent est à 10 minutes de marche de la maison, mais je m'inquiète déjà des dangers à traverser la rue. Je n'aimerais pas qu'elle soit accompagnée des petites voisines qui parlent mal à mon avis. Nous avons un autre couvent dans la paroisse et j'ai pensé y envoyer ma fillette comme pensionnaire. Nous ne voudrions pas cependant passer pour 5 heures en plaçant l'enfant. Que penses-tu de tout cela, Claude? Personnellement, je ne suis guère en faveur du pensionnat, à moins d'une raison très sérieuse. Très souvent se cache sous ce désir de placer l'enfant un véritable rejet. On voit des parents qui protestent de leur générosité, de leur esprit de sacrifice, de leur dévouement pour les enfants. quand au fond, ils ne désirent que leur tranquillité. Très souvent, ils ne sont pas conscients de leurs sentiments naturels. Et les sacrifices qu'ils s'imposent sont une espèce d'autopunition pour leur manque de tendresse. Extrait de l'émission Le courrier de Radio Parents. On vient d'entendre un extrait qui a été diffusé en 1951, Denise Baillargeon. Ça, c'est une des façons dont l'École des parents va rayonner dans l'espace public, oui. La radio, mais il y aura plein d'autres plateformes, oui. Conférences et autres. Une émission comme celle-là, quelle importance ça va avoir, par exemple? Je pense que ça a quand même une importance majeure parce que la radio, c'est évidemment un moyen extraordinaire de diffuser auprès d'un public très large toutes sortes d'informations. Et donc, ça assure à l'École des parents un rayonnement qu'elle ne pouvait avoir uniquement avec ses revues, par exemple, qui étaient plutôt destinées à ses membres qu'à un public beaucoup plus large. Et le grand message de l'École des parents, qu'est-ce que c'est? C'est de faire la promotion d'une approche psychologique de l'éducation des enfants, une approche qui favorise le dialogue entre les parents et les enfants, une approche qui met de côté l'autoritarisme qui prévalait dans l'éducation des enfants jusqu'à cette époque-là. On dit aux parents, voilà, vos enfants se développent suivant des étapes psychologiques qui sont habituelles chez tous les enfants. Ce sont des étapes qui ont été définies par les psychologues. Il faut être conscient de ces étapes-là. Il faut éviter de demander aux enfants de faire des choses qu'ils sont incapables de faire parce qu'ils ne sont pas rendus là dans les étapes de leur développement. Il faut s'attendre à certaines choses des enfants selon leur âge. Il faut aussi leur imposer des punitions qui ne sont pas humiliantes et des punitions qui sont également en phase avec le stade de leur développement. Ouais. Alors, ce sont tous ces principes de base de la psychologie qui sont ignorés par la très grande majorité de la population à l'époque que l'École des parents cherche à mettre de l'avant autant dans ses cours, ses conférences, ses émissions que son courrier des lecteurs, ouais, dans les différents journaux. Et en faisant la promotion de ces idées très modernes, disons ça comme ça, de la manière d'éduquer nos enfants, indirectement et même assez directement au fond, Claudine Valerand, elle s'attaque au système en place et le système en place, c'est celui qui est contrôlé par l'Église catholique. Elle est très dure, ça va créer des tensions très, très forte, cette affaire-là, entre Claudine Valerand et l'Église catholique. Oui, tout à fait. Parce que les théories psychologiques, en fait, elles disent que les enfants doivent demeurer dans leur famille auprès de leurs parents. Et ça, ça va à l'encontre de l'idée que véhicule l'Église depuis très longtemps déjà, voulant que les enfants, finalement, soient les mieux éduqués quand ils sont enseignés par des religieux et des religieuses. Et l'Église fait d'ailleurs la promotion des pensionnats, ouais, au détriment de la famille. Alors, Claudine Valerand va s'en prendre à tout ça. Elle va, à la fin des années 30, publier deux articles très, très durs envers l'Église dans la Revue dominicaine qui donne une bonne idée de la position, de sa position, ouais, par rapport à tout ça. Et dans ces deux articles, elle remet en question la compétence des clercs, des religieux, des religieuses. Elle dit, par exemple, qu'on doit refuser de donner à des religieux qui sont complètement isolés du monde, on doit leur refuser le privilège d'enseigner à des enfants. Elle dit aussi que la soutane ou l'habit religieux ne confère pas une science infuse à ceux qui les portent. Donc, son discours est vraiment très virulent, très, très critique, ce qui va évidemment lui attirer beaucoup de critiques de la part de l'Église. En fait, on va essayer de la faire passer pour une laïcisante, comme on appelait ça à l'époque. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui aurait été non seulement anticlérical, mais qui aurait été aussi contre l'Église catholique en tant que telle, alors que c'est totalement faux. Claudine Valerand était une profonde croyante. Et ça va aller très loin, parce qu'on va créer une en réponse à l'École des parents, on va créer une autre association à Québec qui a presque le même nom, mais pour un petit peu neutraliser ce qui est en train de faire. On va faire pression sur les parents qui envoient leurs enfants aux garderies. Oui. Alors, on va carrément détruire sa maternelle, en fait, parce que sa maternelle ne va durer que jusqu'en 41 et on va appeler les parents qui envoient leurs enfants à la maternelle Valerand pour les convaincre de les envoyer dans une autre maternelle fondée par une élève des religieuses de la congrégation Notre-Dame. On va créer cette école des parents concurrente aussi à Québec et on va entretenir la confusion entre, ouais, les deux écoles. On va faire tant et si bien, finalement, que Claudine Valerand va démissionner de l'École des parents enfants qu'elle avait fondée en 1950. Et en 1953, finalement, les deux écoles concurrentes, les deux écoles des parents concurrentes vont fusionner. Mais au moment de leur fusion, elles cessent d'être finalement des lieux de formation pour les parents, pour ne devenir que des lieux où des lieux de représentation, ouais, finalement, des familles québécoises, canadiennes, françaises auprès des autorités publiques. Fonfon, une maternelle à la maison. Enfin, te voilà! Je me dépêchais à finir. Tu sais que ça a été juste. Je t'ai attendu. Ça a pris du temps. Puis toi aussi. Tu as passé un bon été. Es-tu couché de bonne heure? Moi, je pense que oui. Puis sais-tu comment je le sais? Ben, y a toi qui t'es pas couché de bonne heure, là, je vois, mais je parlerai pas de toi. Je parle de toi qui t'es couché de bonne heure, puis qui a bien mangé, qui a bien bu son lait. Puis sais-tu comment je le sais? C'est parce que tu as grandi. Regarde comme tu es grand. On boucle la boucle avec un extrait de cette émission, l'émission Fonfon, diffusée donc dans les années 50. Elle sera très, très importante, cette émission-là. C'est ce qui fait, je disais, on boucle la boucle, c'est ce qui fait que Claudine Valeran sera connue et reconnue. De quelle manière elle est importante, cette émission? Cette émission-là, c'est une émission pionnière dans le domaine des émissions jeunesse de Radio-Canada et même, bon, de la télévision en général au Québec, je dirais. C'est un peu l'ancêtre de Passe-partout, je dirais. C'est une émission qui montre aux enfants comment faire des bricolage, elle apprend des chansons, elle récite des contes aux enfants, mais elle il y a tout un discours aussi sur le savoir-être des enfants. Elle incite les enfants, par exemple, à obéir aux consignes des parents, à ramasser leurs jouets, à aller se coucher quand on leur dit, etc., etc. Donc, c'est une œuvre éducative vraiment pionnière qui attirait énormément d'enfants, mais aussi d'adultes. Hein. Il y a beaucoup d'adultes qui écoutaient l'émission et qui ont écrit à Maman Fonfon, à Claudine Valeran, pour lui dire à quel point cette émission, son émission, les intéressait et à quel point il la félicitait, finalement, de faire le travail qu'elle faisait. Qu'est-ce qui reste de cette vision qu'avait Claudine Valeran dans la manière dont on s'occupe de la petite enfance aujourd'hui au Québec? Alors, je pense qu'on a pris bonne note de ce que Claudine Valeran a tenté de proposer tout au long de ces années, puisque aujourd'hui, effectivement, les bases de l'éducation des enfants sont fondées sur les dimensions de la psychologie qu'elle a enseignées, qu'elle a voulu mettre de l'avant tout au long de ces années. Donc, on sait maintenant que les enfants passent par des stades, qu'on ne peut pas exiger d'eux ce qu'ils ne peuvent donner à tel ou tel âge. Alors qu'avant, on avait vraiment cette impression que l'enfant était un être humain qu'il fallait casser à coups d'autorité, d'ordre, etc. On a vraiment changé notre vision de la petite enfance et de la manière de les éduquer. Denise Baillargeon, professeure émérite au département d'histoire de l'Université de Montréal, merci infiniment. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.